avoues m'avoir blessé. Et tu ressens encore le poids de cela. Que tu ne peux continuer ta vie avec ce mélange de doute et de foi. Tu ne veux laisser aucune trace des fautes qui ont brisé tes soins. Et par devoir tu me les nommes sans évoquer mes immenses sacrifices. J'annonce que je ne les ai jamais entendus, ou s'ils ont franchi un jour tes lèvres, tu les avais déjà murmurés dans des caresses et des promesses voilées. Je ne t'ai jamais blessé. J'ai jamais connu. Sans rancune, je célèbre encore tes étoiles, tandis que j'efface leur fiel du firmament. Des photos d'une femme joyeuse autour du monde témoignent de mon dévouement ni tes torts. En elle, l'énigme de ta trahison et les périls de l'extase et de la guerre. Des infamies justifient ton incompréhensible trahison, la xénophobie de ton beau-père, ton mentor. Jamais blessé, je n'ai fait que prendre soin de toi. Ce timide vilipendage, je n'ai pas du mépris. Je sais que ton sourire se fane aussi. Le plus doux que j'ai jamais connu. Sans rancune, je célèbre encore tes étoiles, tandis que j'efface leur fiel du firmament. Des photos d'une femme joyeuse autour du monde témoignent de mon dévouement ni tes torts. En elle, l'énigme de ta trahison et les périls de l'extase et de la guerre. Des justifie ton incompréhensible trahison, la xénophobie.